Chapitre 10e. Les trois bossus. En apprenant cette affreuse nouvelle, le prince tomba dans un profond désespoir. Il ne voulut voir personne et s'alla loger dans une auberge du faubourg. Dondin se présenta pour le servir. Poltronnet manifesta d'abord l'intention de tuer celui qui avait aidé le sort à le jeter dans cet abîme de maux. Puis il se contenta de lui appliquer quelques coups de pied dans l'endroit le plus à sa portée, en lui ordonnant de sauter de sa présence et de n'y revenir jamais, d'un ton de colère si bien senti que Dondin s'enfuit sans réclamer son compte et s'en alla tout penaud, se demandant où et comment il trouva le souper et le logis dont il avait si grand besoin. Voyant le prince en cet état, le perroquet risqua quelques consolations. Poltronnet sortit en fermant la porte avec violence et s'en alla errer par les rues. Il regardait machinalement les divers jeux auxquels se livrait la population en fête, se complaisant dans l'amère douleur que lui causaient ses réjouissances qui célébraient son malheur à lui. Il arriva dans un endroit où un grand concours de gens formait un cercle, d'où sortait une musique joyeuse, accueillie par de grands éclats de rire. Il s'approcha et vit que les musiciens qui avaient tant de succès étaient trois bossus, dont un jouait du violon et un autre de la clarinette, tandis que le troisième chantait une chanson en l'honneur des nouveaux époux. Entraîné par un petit sentiment de vengeance, il se dit que c'étaient là les dignes chanteurs du ridicule mariage qui venait de s'accomplir. Il s'approcha des trois bossus, les décida à le suivre en leur donnant de l'argent, les mena droit au palais qu'habitait Montandeau, et leur ordonna de donner une sérénade aux mariés. Ils obéirent, mêlant à leur symphonie les accents les plus comiques et les contorsions les plus grotesques. Bientôt cette épigramme vivante, dont Poltronnet avait cru d'abord pouvoir se réjouir, l'ennuya, et les ayant bien payés, il les laissa là gagner leur argent comme ils l'entendraient. Au reste, Poltronnet avait complètement manqué son but. Montandeau n'était pas dans sa maison. L'imbécile avare, trop indigne du bonheur qui lui était échu, n'avait pas voulu sacrifier, même à cette heure où il eût dû oublier tout le reste, un petit plaisir qu'il se donnait tous les soirs, et qui consistait à aller voir si son trésor, enfoui dans une grotte connue de lui seul et située à quelque distance de sa demeure, était encore à sa place. Une fois rentré dans son palais avec sa charmante épouse, il en était ressorti au plus tôt par une petite porte du jardin, laissant la princesse Fêlée seule avec sa nourrice. Celle-ci s'affligeait de la tristesse de sa chère enfant, qui, malgré son peu de raison, semblait avoir conscience du triste sort qui lui était réservé, et soupirait au lieu de s'amuser de toutes les distractions que lui offrait la bonne femme. Tout à coup, la nourrice entendit la musique enragée que faisaient les trois bossus sous les fenêtres de la salle où elle se trouvait. Elle la fit écouter à la princesse, qui bientôt se dérida et se mit à rire en montrant ses jolies dents blanches. Malheureusement, les fenêtres de la maison de l'avare étaient hautes, et si on entendait, on ne voyait pas. La nourrice descendit, en voyant les musiciens. « Voilà bien ce qu'il faudrait pour amuser ma chère princesse, » se dit-elle. « Mais le seigneur Montandeau m'a bien défendu de laisser entrer qui que ce soit. »« Bon, » ajouta-t-elle ensuite, « il ne reviendra peut-être pas de sitôt. » Et elle fit entrer les trois bossus. Quelques minutes après, la princesse Fêlée riait aux éclats. La bonne nourrice se réjouissait de cette gaieté quand, par la fenêtre qui donnait sur le jardin et qui permettait de voir mieux que celle qui donnait sur la rue, elle aperçut le maître qui revenait. Elle n'eut que le temps de faire cacher les musiciens dans trois grandes caisses qui se trouvaient là, rangées contre le mur. Après quoi, elle s'empressa de faire passer la princesse Fêlée dans une autre chambre, de peur qu'elle dît quelque sottise. Montandeau avait oublié une des nombreuses clés qui lui servait à ouvrir les nombreuses serrures de son coffre-fort, et il revenait la chercher. Il jeta autour de lui des regards soupçonneux et eut mal l'air comme s'il flairait quelque chose de suspect. La nourrice, qui entrait à ce moment, essaya de détourner son attention en lui annonçant que la princesse était déjà dans l'appartement conjugal et y attendait son époux. Cette flatteuse nouvelle parut faire quelque impression sur le bossu, mais l'avarice l'emporta encore. « Je cours et je reviens, » dit-il, « ce sera l'affaire d'un instant. Surtout, » ajouta-t-il en sortant, « que la porte reste bien fermée et que personne ne puisse entrer. » Il n'en fut pas plus tôt parti que la nourrice courut à une des trois caisses et souleva le lourd couvercle qu'elle avait laissé retomber sur le pauvre bossu couché dans cette étroite prison. quel fut son effroi quand elle vit que le musicien, trop pressé dans sa cachette, et d'ailleurs complètement privé d'air, ne donnait aucun signe d'existence. Elle l'appela, le toucha, le secoua, il ne bougea pas. Elle mit la main sur le cœur et ne le sentit pas battre. Il n'y avait pas à en douter, le malheureux était complètement étouffé. Elle souleva d'une main tremblante le couvercle de la seconde caisse et vit un spectacle tout pareil. Les coffres où elle avait caché des bossus vivants ne contenaient plus que des bossus morts. Le premier mouvement de la nourrice en voyant ce triste malheur fut de s'enfuir et de laisser les musiciens trépasser s'arranger avec Montando comme ils l'entendraient. Mais elle songea à sa chère et innocente princesse, sur qui l'avare fera peut-être retomber sa colère, et alors elle eut envie de pleurer. Puis elle se dit que les larmes ne servaient à rien, et comme c'était une femme de tête, elle se mit à examiner tranquillement ce qu'elle pourrait faire pour que Montando ne s'aperçût pas de ce qui était arrivé. Le meilleur parti à prendre, vu que d'ailleurs c'était le seul, consista à faire disparaître les cadavres. La nourrice essaya d'en soulever un et ne put y réussir. Elle n'était pas assez forte. « Ce que je ne peux faire, se dit-elle, il faut le faire faire par un autre. Si j'avais un portefeuille sous la main, mais je n'en ai pas. Et quand j'en aurai un, je n'ai qu'une seule pièce d'argent dans ma poche et jamais un portefeuille, si peu exigeant que je le suppose, n'emportera ces trois corps pour une seule pièce. « Pourtant, se répondit-elle encore, il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir et il faut tâcher d'employer celle-là. » Elle descendit donc, ouvrit la porte et attendit si elle ne verrait pas passer quelque homme à qui elle put demander le service dont elle avait besoin. Elle regardait au loin, cherchant à percer les ténèbres qui s'étendaient sur la rue silencieuse et déserte, lorsqu'elle tressaillit en entendant une voix plaintive qui parlait tout à côté d'elle et qui disait « Oh, ciel injuste, il est donc dit que je ne souperai pas, faute de trouver à gagner une pièce d'argent, fût-ce à porter des fardeaux. » La nourrice regarda et vit tout près d'elle un gros homme qu'elle n'avait pas aperçu d'abord. Il était assis sur une borne, tout près de la porte, dans une attitude qui annonçait le désespoir. « Voilà mon affaire, » pensa-t-elle. « Brave homme, » dit-elle tout haut, « si vous cherchez quelqu'un qui vous fasse gagner une pièce d'argent, je cherche quelqu'un qui veuille bien la gagner. Venez avec moi. » Et elle rentra, suivie du gros homme. Quand ils furent en haut, dans la pièce où étaient les trois coffres, et qu'éclairait une chandelle fumeuse, ils se regardèrent et tous deux jetèrent un cri de surprise. La nourrice reconnaissait dans celle qu'elle avait amenée l'écuyer du prince Poltronet. Dondin, de son côté, reconnaissait la nourrice qu'il avait vue jadis devenir fée en brûlant toute vive. Il allait manifester son étonnement de cette rencontre quand la bonne femme l'arrêta net. « Nous n'avons pas le temps de causer, » lui dit-elle. « Vous avez besoin d'une pièce d'argent pour souper, la voici. » Dondin étendait déjà la main. La nourrice remit la pièce dans sa poche. « Il faut la gagner. »« Tant pis, » fit Dondin en soupirant. « Enfin, » ajouta-t-il philosophiquement, « c'est au malheureux qu'on ne donne rien pour rien. Que faut-il faire ?» La nourrice ouvrit un des coffres. « Vous allez prendre ce bossu mort sur votre dos, descendre au jardin, et ouvrir la petite porte en face. 10 pas plus loin coule la rivière. Vous jetterez le corps dedans, et quand vous reviendrez, vous aurez l'argent. » Dondin ne goûtait pas fort cette manière de gagner à souper, mais il avait faim. Il fit ce qu'on lui disait de faire, chargea le corps sur ses épaules et sortit. Dès qu'il fut dehors, la nourrice se mit à réfléchir. Ce n'était pas le tout que de s'être débarrassée d'un des trois cadavres, ce n'était même rien. Elle entendait déjà le pas lourd de Dondin qui s'en revenait, quand enfin elle se frappa le front comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, puis elle se hâta de fermer le coffre vide et d'en ouvrir un autre. Dondin entrait. « C'est fait, » dit-il, « payez-moi maintenant. »« C'est trop juste, » répondit la nourrice, et elle tirait déjà l'argent de sa poche quand elle s'arrêta tout à coup, montrant du doigt le coffre ouvert. « Qu'y a-t-il ? » fit Dondin. « Regardez, » reprit la nourrice. « Ou vous ne l'avez pas emporté, ou bien elle est revenue. » Dondin regarda et parut très étonné. « Voilà un bossu qui n'aime pas l'eau, » dit-il. « Mais c'est votre affaire et non la mienne. » La nourrice tenait encore l'argent. Dondin sentait crier ses entrailles. Après une vive discussion, il mit le second bossu sur ses épaules et reprit le chemin qu'il avait déjà suivi. La dispute fut encore plus vive lorsque l'écuyer étant revenu Une seconde fois, il entendit dire encore que son second voyage n'avait pas mieux réussi que le premier. « Enfin, disait Dondin, si ce bossu s'obstine à revenir toute la nuit, il faudra donc que je soupe à l'heure du déjeuner. Et après avoir été jeté deux fois dans la rivière, il n'est pas seulement mouillé. » Mais la nourrice tenait bon. Elle réussit enfin à lui persuader que la troisième fois amènerait un résultat plus satisfaisant, et Dondin consentit à tenter une troisième épreuve. Quand la nourrice le vit dehors, elle respira. Pourtant, elle attendit son retour avec impatience. Tout cela avait été long. Montando allait certainement revenir avant peu, et Dondin restait dehors, cette fois bien plus longtemps que les deux autres. Enfin, il arriva. Il avait l'air triomphant. « Je vous l'avais bien dit, » dit la nourrice. « Il n'est pas revenu, et vous pouvez aller souper. »« Ah !» fit Dondin en prenant l'argent. « Cette fois, j'en étais bien sûr. J'avais pris mes précautions. » Après l'avoir jeté à l'eau, je me suis vite caché près de la porte du jardin et j'ai attendu. Vous allez voir comme j'ai bien fait. Au bout d'un instant, j'ai vu mon entêté qui mettait la clé dans la serrure pour s'en revenir encore. Je l'ai bien reconnu à sa bosse. J'ai ramassé une grosse pierre, je lui en ai appliqué un bon coup là sur la tête et je l'ai reporté dans la rivière. Après quoi, j'ai attendu encore un peu, mais la leçon a profité, comme vous le voyez. Je peux dire que j'ai bien gagné mon repas, ajouta Dondin en s'en allant, pendant que la nourrice restait pétrifiée. Et elle avait tout compris. Dondin avait pris un bossu pour un autre, un bossu vivant pour un bossu mort, et il avait complété ce massacre de bossu en y ajoutant le bossu Montando. La princesse fêlée était veuve. On imagine facilement quelle rumeur se fit dans la ville quand on apprit l'étrange disparition de Montando. Chacun mettait en avant ses conjectures, sans que, de toutes les opinions contraires, il pût ressortir une explication satisfaisante. On fit les recherches les plus actives, et on retrouva dans le fleuve les cadavres des quatre bossus. Cette découverte ne fit que rendre l'accident plus inexplicable encore. Le roi ordonna une enquête, et la sagacité des juges n'amena aucun résultat. Poltronet avait appris la nouvelle par le bruit public, et il avait aussitôt couru au palais du roi. Le roi le reçut un peu froidement. Quelque intérêt qu'il prit au prince, il ne pouvait s'empêcher, dans sa justice, de se rappeler cet axiome de droit qui prescrit de chercher le criminel parmi ceux à qui le crime profite. Poltronet s'aperçut des soupçons dont il était l'objet, et il demanda avec indignation les moyens de se justifier publiquement. Il ne lui fut pas difficile de prouver devant les juges qu'à l'heure où le crime avait dû se commettre, il était depuis longtemps rentré à son logis.